I don't know the game. I don't. Okay. Thank you.

de journée, bonne fin d'après-midi ou bonne nuit, je ne sais pas où est-ce que vous habitez. Alors, see you later. Merci, super. Merci Paris. Non, je sais pas Paris.